Une île à sauver, d'Isabelle Kermorgan, chapitre 1, le royaume de Mazigan. Il était une fois, pendant l'Antiquité, au temps des grands empires, un roi nommé Carus le Cruel. Il régnait en maître incontesté sur un tout petit royaume du nom de Mazigan. Admiré de son peuple, fier de ses glorieuses victoires, il aimait à le visiter, à manger à sa table, à partager sa vie. Ce roi de 7 décennies n'eut point d'héritier mâle, mais 2 filles. Sur le point de mourir, il les fit appeler à son chevet et désigna celle qui devait lui succéder. Lorsque les 2 princesses entrèrent dans la chambre de leur père, elles le trouvèrent allongé sur son lit d'une extrême faiblesse. Une chevelure grise en bataille avait remplacé la blondeur vénitienne de sa jeunesse. Son corps puissant du temps de ses grandes batailles était maintenant fébrile. Il tremblait en invitant ses filles à s'asseoir près de lui. « Venez, mes enfants, leur dit-il d'une voix à peine audible. » Lavinia s'avança la première, vêtue d'une robe beige qui tombait sur ses pieds. Ses cheveux semblables à ceux de son père étaient joliment coiffés en un chignon tressé. Athénaïs, sa sœur, se présenta à son tour. Plus mince que Lavinia, elle paraissait plus grande, plus élancée. Ses cheveux aux reflets d'or, blonds ondulés, atteignaient le bas de son dos. Elle portait un corsage et un pantalon noir, surmonté d'un long manteau noir également, enrichi aux poignets et aux bras de fines broderies d'or. Les 2 sœurs avaient hérité des grands yeux ronds de couleur noisette de leur père. Après une quinte de toux, Carus le Cruel reprit la parole. « Mes chères filles, comme vous le savez, la vie n'est pas éternelle, même celle d'un roi. La mienne ne va pas tarder à me quitter. La mort est un fléau qu'on ne peut pas vaincre. Je n'ai qu'un seul regret, celui de n'être point tombé au champ de bataille, comme tous mes ancêtres. Il est en mon devoir de désigner la future reine du royaume de Mazigan. Je la souhaite d'un fort caractère, sachant faire régner l'ordre et la discipline tels que je l'ai fait. C'est pour cela que je te désigne toi, Athénaïs. » Il lui prit la main, puis celle de Lavinia, qui regardait son père les sourcils froncés. « Je ne comprends pas, père, c'est moi l'aîné. Athénaïs n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, moi j'en ai 4 !»« Je sais tout cela, ma fille, mais tu n'es pas faite pour te battre sur un champ de bataille. Depuis l'âge de 8 ans, Athénaïs manie l'épée et monte à cheval, » répondit calmement son père. Lavinia répliqua tout aussi calmement, dans une colère contenue. C'est contraire à la loi. Elle dit que le premier héritier doit accéder au trône. Mon mari Valoc mènera les guerres, il est chef des armées. Je peux encore changer le règlement. Ne suis-je toujours pas le roi ? Déclara Carus, essoufflé par une longue toux. Athénaïs est douée d'un caractère plus fort et plus ferme. En effet, Lavinia avait toujours refusé l'entraînement d'épée avec son père, préférant suivre un autre chemin. À 16 ans, elle se maria. De son union naquirent ses 4 enfants. Rufio l'aîné, suivi de Harry, Dolores sa seule fille, et Fabie, le dernier, né seulement il y a quelques mois. Athénaïs avait 2 années de moins que Lavinia. Elle avait toujours été plus proche de son père, n'ayant jamais connu sa mère, décédée des suites de sa mise au monde. À 18 ans, Athénaïs avait participé à autant de batailles que n'importe quel soldat avisé, sous le regard bienveillant de son père. Lavinia demanda l'autorisation de se retirer, qui lui fut accordée. Athénaïs n'avait jusqu'alors prononcé un seul mot. Elle déclara « Père, Lavinia a raison. C'est le premier héritier qui doit monter sur le trône. Et puis, si c'est moi qui y monte, il n'y aura pas de roi et encore moins d'héritier. » Le roi ricana avant de lui répondre. Tu feras ce que bon te semble. » Il ferma les yeux. Athénaïs comprit qu'il était alors temps de laisser son père se reposer. Une fois sorti de la chambre du roi, Athénaïs vit Lavinia en pleine discussion avec Valoc, son époux. Lorsqu'elle passa devant eux, il n'y eut un seul mot. Elle continua son chemin sans y prendre garde et entra dans la salle à manger du château. Une grande table en bois épais au milieu de la pièce était illuminée avec des bougies. À une des extrémités de la table se trouvait une chaise avec un dossier en or. Dessus, on pouvait y voir le blason gravé du royaume de Mazegan, représentant un serpent enroulé autour d'une épée. Athénaïs était en train d'admirer le trône lorsque Lavinia entra et lui dit « Tu sais, bientôt tu pourras t'y asseoir. » Athénaïs prit cette remarque comme un reproche, répondit agressivement « En effet, tu pensais sûrement que ce serait toi qui y prendrais place. Je n'ai rien dit à père, rien qui pourrait influencer sa décision. Je le sais très bien. Tu as toujours été sa favorite. Je me suis faite à l'idée depuis longtemps, » dit Lavinia calmement. Il appréciait chez toi ton caractère qui lui rappelait le sien. « Ne parle pas de père au passé, il n'est pas mort !» répliqua Athénaïs sur la défensive. Dans sa voix perçait une pointe de tristesse. « C'est vrai, tu as raison, » admit Lavinia. Au même moment, Rufio entra dans la pièce. « Harry, où es-tu ? Ah, mère, ma tante, c'est vous !»« Qu'y a-t-il, mon fils ?» répondit Lavinia. « Je joue avec Harry, je dois le trouver, il est caché !» Rufio s'en alla lorsqu'il aperçut que son frère n'était pas là. Athénaïs le regarda s'en aller et dit à Lavinia « Bien élevé, ton fils !»« Je suis d'accord. Toi aussi, lorsque tu auras un mari et un héritier, tu pourras être aussi fier que je le suis. À ton âge, j'avais déjà mis 2 enfants au monde !» Athénaïs fit les gros yeux. Lavinia s'en aperçut et ajouta « Lorsque tu seras reine, il faudra que tu désignes un roi afin que le royaume puisse avoir un héritier. Tu ne pourras plus avoir des relations avec plein d'hommes comme tu le fais actuellement. »« Pourquoi pas ?» répliqua Athénaïs. « Je ne suis pas comme toi. Tu n'as connu qu'un seul homme dans toute ta vie. »« Oui, et c'est le destin de toute femme, se marier et avoir des enfants. Et non pas coucher avec plein d'hommes. Ça, c'est le travail d'une catin. » Pas celui d'une princesse. » Athénaïs parut outrée et lui répondit « Moi, je ne suis pas née pour donner la vie, je suis née pour tuer. Je suis une guerrière, comme les pères et comme l'ont été nos ancêtres. C'est d'ailleurs pour cela qu'il m'a choisie. Tu as peur de mourir en donnant la vie comme mère. » Lavinia se plaqua les mains sur la bouche comme si elle ne réalisait pas elle-même ses paroles. Athénaïs, elle, ne réagit pas. Elle détourna la conversation. « Je changerai la loi et ferai de Rufio mon héritier. » Lavinia ne répondit pas et acquiesça. Elle comprit qu'elle était allée trop loin. Quelques jours plus tard, la tension entre les sœurs s'était estompée. Elles parurent toutes les deux d'humeur joviale lors du déjeuner, plaisantées même sur le sujet de dispute de l'autre jour. Lavinia, en riant, dit à Athénaïs « Tu as dû avoir une aventure avec le quart de l'armée de père. » Toujours sur le ton de la plaisanterie, Athénaïs répliqua « Au moins, c'est pour remonter le moral des troupes. » Les deux sœurs éclatèrent d'un grand rire. Athénaïs continua « Si tu n'avais pas été ma sœur, je t'aurais fait couper la langue pour avoir dit ça. » Valoc, qui assistait à leur conversation, resta à les regarder sans rien comprendre. Valoc devait avoir une 40aine d'années. Il avait les cheveux mi-longs bruns. De sa joue droite jusqu'à son cou, une blessure de guerre avait tracé une longue estafilade. Il était le chef des armées depuis plus de la moitié de son existence. Le roi Carus le Cruel lui devait la vie au moins 3 fois. C'est pour le remercier de sa loyauté et de sa bravoure que le roi lui accorda la main de sa fille aînée. Lorsqu'il s'apprêta à s'en aller pour l'entraînement de l'armée, une servante arriva dans la salle à manger et leur annonça ce que tout le royaume de Mazegon redoutait depuis plusieurs jours. Le roi est mort.